Bonjour. J'ai choisi, vous voyez, un titre qui peut paraître provocateur, puisque je vais traiter des colonisatrices dérangeantes ou de l'affrontement de genre en Algérie coloniale. Je vais expliciter ce titre presque immédiatement. Oui. On m'entend? Oui. Voilà. Le genre est pour moi une donnée importante, pour ne pas dire essentielle, de l'histoire de l'Algérie coloniale, à la fois en raison de l'importance du grand nombre de femmes européennes, du patriarcat méditerranéen qui, sous des formes diverses, mais quand même assez proches, a marqué fortement les mentalités des colonisés et de la majorité des colonisateurs, et par suite de l'instrumentalisation des différences de formes, de normes genrées de ces communautés. Le sujet est donc vaste. Compte tenu du temps limité, il m'a semblé qu'un questionnement sur le dérangement apporté par les femmes, par certaines femmes, par leur comportement, par rapport à ces normes genrées, permettrait, après un bref rappel des conditions d'installation et des caractères des dites normes, de préciser les contraintes pesant sur les Européennes et d'entrevoir les enjeux coloniaux et politiques du système genré établi en Algérie. Donc je commencerai par un rappel rapide de l'identité sociale et de la mission colonisatrice attribuée aux Européennes. On peut dire que le genre a été mis au service de la colonisation dès que la décision fut prise en 1841 d'installer en Algérie des colons européens. C'est en effet pour permettre aux hommes d'exploiter la terre dans les meilleures conditions que la venue de femmes européennes est jugée nécessaire dans un pays où les mœurs et l'hostilité des musulmans rendaient difficile le concubinage avec des femmes indigènes. Il faut y ajouter que Bugeaud était totalement hostile à toute idée de métissage. On peut lire en marge d'un rapport militaire de 1849 « Si l'homme ne trouve pas chez lui les services, les consolations ou les distractions, il va les chercher ailleurs. Le travail, la propreté, la morale, tout en souffre. Repos du guerrier, gardienne du foyer et de la morale publique sont donc les missions attribuées aux femmes, mais ce sont également les rôles traditionnels des femmes. Plus prosaïquement, la colonie a besoin de sexe et de ventre pour se maintenir et se développer. Aucune des missions habituelles dites de civilisation auprès des femmes et enfants colonisés qui aurait pu donner aux Européennes une certaine visibilité sociale et une identité personnelle de colonisatrice n'est prévue. Ce n'est en effet que tardivement et d'une façon limitée que soins et instructions seront dispensés aux femmes et aux enfants. Les Européennes sont donc mises au service quasi exclusif de la communauté européenne, au moins jusqu'au début du XXe siècle. Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, l'ancrage d'un pouvoir masculin particulièrement fort est favorisé par la supériorité numérique des femmes, par la jeunesse des épouses, par le grand nombre d'enfants, par l'insécurité également de la vie quotidienne et également par le pouvoir militaire qui a été en place jusqu'en 1870. La relégation des femmes hors de l'espace public et le statut de gardienne des traditions dans l'espace domestique ont été importés en Algérie par les Européens d'origine méditerranéenne. Dans ce face-à-face de patriarcat méditerranéen, la confrontation de genre était inévitable. Donner de la musulmane une représentation infériorisée et dégradante permettait certes de justifier la colonisation en montrant le caractère dit rétrograde de la civilisation arabo-musulmane, mais avait aussi pour effet de valoriser l'image des Européennes aux yeux même de ces dernières en masquant leur assujettissement aux hommes. Le comportement, la tenue des Européennes d'Algérie sont au XXe siècle encore étroitement contrôlés, sous couvert d'un portrait qui se veut élogieux. C'est une instrumentalisation complète des Européennes au service du pouvoir genré colonial qui est donnée dans un grand hebdomadaire populaire de l'entre-deux-guerres. On peut en effet lire que l'Algérienne, à savoir la Française d'Algérie, est le plus bel échantillon de la race latine. C'est une femme, est-il écrit, sans psychologie compliquée, très entichée de mode, en général peu intellectuelle, bien qu'elle fasse aujourd'hui des études, et qui ne manquera pas de faire une épouse irréprochable, élèvera plusieurs enfants et vivra volontiers dans le bled. Mais certaines femmes n'entendaient pas être confinées dans ce rôle de mère et d'épouse exemplaire, icône muette de la civilisation française. Si au XIXe siècle, ce fut le cas de femmes isolées, telles que Madame Luce Alix ou le docteur Françoise Leger, au XXe siècle, ces femmes, bien que toujours très minoritaires, sont plus nombreuses et ont tendance à se grouper. Je donnerai donc deux exemples de ces colonisatrices ou de ces femmes dérangeantes. Premier exemple, celui des cigarières en grève au début du XXe siècle. Autour de 1900, des femmes européennes se révoltèrent en effet à deux reprises contre les conditions de travail qu'elles connaissaient dans les manufactures de tabac où elles étaient largement majoritaires. En décembre 1899, les 200 ouvrières de la principale manufacture de tabac d'Alger refusèrent de reprendre le travail pendant 3 jours et, en manifestant bruyamment leur colère contre les portes de l'entreprise, à un point tel que la police fut obligée d'intervenir et d'arrêter 3 d'entre elles. En mai-juin 1905, le mouvement social est beaucoup plus vaste puisqu'il concerne toutes les manufactures de tabac d'Algérie qui étaient au moins dès cette époque, à peu près autour de 25. Et ces grèves durent 3 semaines. Et en outre, ponctuellement, ces manifestations furent violentes, et même une d'entre elles tourna à l'émeute. Ce fut le cas à Oran, le 7 juin 1905. La manifestation tourna à l'émeute parce que les ouvrières furent rejointes par leurs compagnons et également par certains ouvriers carrossiers qui étaient en grève à la même époque. Il fallut alors l'intervention de la gendarmerie et même de détachements de tirailleurs et de chasseurs pour rétablir l'ordre. Les réactions suscitées dans la presse par ces grèves sont révélatrices des normes sociales, source des discriminations à la fois sexistes, ethniques et de classe, qui commandait les relations intercommunautaires européennes. Comme toujours à l'époque, les révoltes féminines sont ridiculisées et réduites à des images identitaires se ramenant soit au foyer, soit à la maternité. Enfin, c'est bien connu. Lorsque les manifestantes ainsi défilent en chantant l'international, la presse parle de procession de femmes fredonnant le démélopé. Quand des heurts entre grévistes et gendarmes se produisent, les manifestantes sont accusées de frapper à coups d'aiguille à tricoter. Donc toujours le refus de la violence des femmes, qu'on tend à minimiser, comme je l'ai dit tout à l'heure. La presse insiste aussi sur la nationalité étrangère des grévistes, ce qui permet de rejeter sur des étrangères un comportement si peu féminin. Or, s'il est vrai que la majorité des cigarières étaient espagnoles ou d'origine espagnole, comme on disait à l'époque, il y avait aussi des Françaises. Et c'est d'ailleurs une ouvrière française qui fut chargée de négocier pour les syndicats masculins et féminins du tabac les conditions de fin de grève avec les directeurs des manufactures. Quoi qu'il en soit, ces femmes, en contestant leurs conditions de travail, remettaient aussi en cause à la fois l'image traditionnelle de la femme soumise et de la colonisatrice ou celle de la compagne, plus exactement, exemplaire des colonisateurs. Et elles semblent avoir eu conscience de la double dépendance dont elles étaient victimes, celle de l'argent et celle du genre. Car pour défendre leurs intérêts, elles refusèrent d'être représentées par des délégués masculins des syndicats existants. Elles furent ainsi amenées à créer, lors de la grève de 1899, le premier syndicat féminin d'Algérie, auquel adhérèrent immédiatement 500 des 2000 ouvrières algéroises. Si ces grévistes contestent l'ordre social existant à l'intérieur de la société européenne, les critiques des féministes sont beaucoup plus globales. Donc, quelles ont été ces critiques des féministes des années 30 ? Malgré la venue en Algérie de la militante féministe Hubertine Auclair à la fin du XIXe siècle, le féminisme fut tardif et faible en Algérie coloniale, puisqu'il faut attendre les années 30 pour que l'Union française pour le suffrage des femmes parvienne à avoir un certain nombre d'adhérentes dans les principales villes d'Algérie. Bien que peu nombreuses, ces femmes parvinrent à se faire entendre publiquement grâce à la création du journal Femmes de demain par la présidente de l'UFSF d'Algérie, Lucienne Jandaroui, qui était elle-même en même temps journaliste. Et plus que leur combat pour l'obtention aux Françaises des droits civils et civiques, ce sont leurs prises de position en faveur des femmes musulmanes qui semblent avoir été peu appréciées, d'où une presse rapidement muselée, puisque Femmes de demain ne pourra durer que 2 ans. Il est vrai que ces féministes osent s'attaquer aux mentalités coloniales. Dans un pays où on apprenait aux petites filles européennes à avoir peur des Arabes, la seule est que une fois adultes, ces filles avaient l'occasion de parler en général à une seule femme pendant toute leur vie d'adulte, une seule femme musulmane qui était pour la plupart la Fatma interchangeable qui leur servait de femme de ménage. Donc dans un pays où on apprenait très tôt la distance entre les Européens et les colonisés, et en particulier entre les femmes européennes et les Arabes de quelque sexe que ce soit. C'était déjà très audacieux, il fallait de l'audace donc, pour annoncer que le journal Femmes de demain serait un trait d'union entre toutes les femmes d'Afrique du Nord et aurait pour objectif de rapprocher la Française de la musulmane. Pour atteindre cet objectif, les journalistes de Femmes de demain vont d'abord tenter de modifier l'image de la femme musulmane, image qualifiée par elle-même de prototype général. Dans une série d'articles, elles décrivent la diversité des conditions de vie de ces femmes. Il s'agit de montrer que malgré leur soumission aux hommes, les musulmanes sont loin d'être toutes les femmes bafouées et méprisées qui sont décrites, et que certaines sont aussi des compagnes écoutées, en particulier dans les villes. Et en conclusion, elle demande la scolarisation obligatoire des fillettes musulmanes pour le plus rapidement possible. Ces féministes s'attaquent aussi au racisme ambiant. Elles demandent aux hommes et femmes d'Algérie de se libérer du préjugé d'orgueil qui établit des suprématies dans les religions et dans les races. Pour favoriser le rapprochement des Françaises et des musulmanes, elles créent d'ailleurs en avril 1937 l'Union féminine franco-musulmane. Le succès limité de cette association incite Lucienne Jandaroui à lancer un nouvel appel au rapprochement des deux communautés en ces termes. Pourquoi les musulmanes ne sont-elles pas parmi nous, mais à côté de nous, dans ce pays qui est le leur avant d'être le nôtre? Le projet Blum-Violette, qui voulait accorder en 1936 le droit de vote à une élite algérienne, donne aussi l'occasion aux journalistes de Femmes de demain de prendre une position peu appréciée. Certes, ces journalistes revendiquent un droit prioritaire au suffrage pour les Françaises au nom de l'ancienneté de leur citoyenneté et de la tâche prise dans la colonisation. Mais elles soutiennent aussi le droit de vote des musulmans. Elles sont alors violemment accusées d'entériner ainsi la situation misérable des musulmanes, puisque les hommes pouvaient voter, les musulmans pouvaient voter sans être obligés d'abandonner leur statut personnel traditionnel. Mais elle rétorque immédiatement que la polygamie n'existe plus guère chez les Algériens en raison de la misère, que l'adultère est admis par les mœurs en France et qu'on pourrait supprimer le statut personnel des musulmans dans la mesure où ils n'engagent pas la religion comme cela a été fait en Turquie. D'ailleurs, pour ces féministes, le statut personnel musulman n'est pas le plus grand obstacle au développement de la femme musulmane. Sous le titre de « L'école au gourbi », un long article paru en 1937, toujours dans Femmes de demain, fait le lien entre le sort des femmes et l'extrême misère des nombreuses familles kabyles, chiffres à l'appui. Misère et ignorance sont des termes récurrents sous la plume de Lucienne Jandaroui. Les deux enquêtes qu'elle publie dans Algèbre républicain en 1938 concernent l'une l'étodie d'Algéla Blanche et l'autre l'illettrisme. Elle décrit les réduits obscurs de la Casbah et les assemblages de planches qui constituent les 5 grands bidonvilles dans lesquels s'entassaient plus de la moitié de la population indigène d'Alger. Elle dénonce le scandale de l'illettrisme qui atteignait 79% des conscrits musulmans en 1937 en raison du manque d'écoles. Mais en même temps qu'elle appelle le gouvernement français à ouvrir des écoles, particulièrement pour les filles musulmanes, elle demande aux hommes musulmans d'envoyer leurs filles à l'école et même à l'âge de porter le voile, car peu importe le costume, écrit-elle. Et pour convaincre les musulmans, elle ouvre à ce sujet, dans sa page féminine d'Alger Républicain, une forme de courrier des lecteurs et lectrices sous le titre de la Tribune musulmane. Tribune qui s'adresse bien évidemment aux musulmans et aux musulmanes et qu'elle confie à un confrère algérien qui était journaliste dans Alger Républicain. Le projet d'une association pour l'émancipation de la femme musulmane dans le respect de l'islam est ébauché au cours du printemps 1939, mais la Tribune disparaît en avril de la même année, ainsi d'ailleurs que la rubrique de Lucienne Jean-Daroui. En conclusion, on peut dire que le système colonial n'a pas plus libéré les Françaises d'Algérie du patriarcat européen qu'il n'a tenté d'améliorer le sort des femmes algériennes. La confrontation de genre en système colonial rendait, il est vrai, toute évolution difficile, tant genre et race étaient profondément intégrés et se combinaient. Était-il possible, compte tenu des mentalités des colonisateurs, d'améliorer le statut des femmes musulmanes tout en respectant la distance requise entre femmes colonisées et colonisatrices sans donner à ces dernières plus de droits civils et civiques? Aussi n'est-ce pas un hasard si les quelques Françaises d'Algérie qui s'intéressèrent vraiment à la condition des femmes musulmanes étaient des féministes ou du moins des femmes sujets. Voilà, je crois que j'ai fini par...